encore. Pour ton sourire, j'ai pas envie que tout soit fini. Pardonne-moi si je t'ai trahi. Accorde-moi une nouvelle chance, une fois encore. Pour ton sourire, j'ai pas envie que tout soit fini. Pardonne-moi si je t'ai trahi. J'ai envie de te dire des choses. J'ai envie tout simplement sentir tes doigts sur ma peau. J'ai envie de te garder, te toucher, te chérir, t'engloutir, t'enlacer contre moi jusqu'au dernier souffle. Ton corps, ton visage, ta chaleur, ton sourire de tous les jours me donne envie de rester dans ce monde. Accorde-moi une nouvelle chance, une fois encore. Pour ton sourire, j'ai pas envie que tout soit fini. Pardonne-moi si je t'ai trahi. Accorde-moi une nouvelle chance. Les prédateurs.